Des espions entrent dans la ville, personne ne les attend. Mirehab ouvre sa maison. Avant même de comprendre le plan, elle a entendu ce que Dieu fait. Les mers ouvertes, les peuples tombés. Et dans un cœur étranger à l'Alliance, la foi commence déjà à parler. La foi naît parfois bien loin du camp. Même derrière les murs les plus épais, ta grâce trouve un passage. Tu sauves la foi qui ose croire avant même de voir l'orage. Même derrière les murs les plus épais, tu reconnais le cœur sincère et le fil rouge de ta promesse traverse toute frontière. Elle cache les pas, elle protège la vie. Elle mise tout sur un seul nom. Car mieux vaut tomber aux pieds de Dieu que rester debout sans salut ni pardon. Et le signe discret à la fenêtre devient un sceau sur son avenir. Quand la ville tombera dans la poussière, elle seule verra la vie refleurir. Mais derrière les murs les plus épais, ta grâce trouve un passage. Tu sauves la foi qui ose croire avant même de voir l'orage. Même derrière les murs les plus épais, tu reconnais le cœur sincère et le fil rouge de ta promesse. Traverse toute frontière.